Chapitre 8. La fin du sortilège. Dès qu'elle prononce ces mots, tout le château s'illumine. 1000 bougies éclairent le parc et des feux d'artifice explosent dans le ciel. La belle est émerveillée par ce spectacle. Elle regarde le château, puis se retourne vers la bête. Quelle surprise ! La bête a disparu ! À sa place, il y a un très beau jeune homme qui lui dit « Merci d'avoir mis fin au sortilège. »« Mais où est la bête ?» demande la belle. « Mais c'est moi la bête !» répond le prince. « Je ne comprends pas !» dit la belle très surprise. « Qui êtes-vous ? » « Je suis le prince de ce royaume. Une méchante fée m'a transformé en bête. Mais ton amour m'a délivré. » Le prince se met à genoux devant la belle et lui prend la main. « C'est la dernière fois que je te le demande, la belle. Veux-tu m'épouser ?» Confuse, la belle rougit, accepte et donne sa main au prince. Ils se dirigent alors vers le château. La belle pousse la porte de la grande salle et entend des voix qu'elle connaît. Elle s'exclame. Mon père, mes sœurs et mes frères aussi, comme je suis contente! Soudain, elle voit la fée de son rêve. Elle lui demande. Vous connaissez donc toute l'histoire? Bien sûr, la belle. Lui répond la fée. « Grâce à ton grand cœur et à ta sincérité, tu vas avoir ce que tu mérites. Tu vas épouser le prince et devenir une grande princesse. » La fée se retourne ensuite vers les deux sœurs de la belle. « Vous êtes méchante et jalouse. Vous allez être punie. » Elle lève alors le bras et prononce une formule magique. Les deux sœurs, terrorisées, veulent s'échapper. Mais la fée dirige rapidement sa baguette magique sur elles. Oh ! Mais qu'est-ce que vous avez fait, bonne fée ? Rosemonde et Hortense sont devenues des statues ! S'exclame la belle. Tes sœurs ont un cœur de pierre, la belle. Elles ne peuvent plus bouger, mais peuvent tout voir et tout entendre. Pour redevenir humaines, elles doivent reconnaître leurs erreurs. Le lendemain, la belle et le prince se marient. Tout le monde est heureux. Partout, on danse, on chante, on joue de la musique. Les gens lancent des pétales de fleurs sur les jeunes mariés. Le prince regarde la belle et voit quelques larmes sur son très beau visage. Ne pleure pas, la belle. Maintenant, nous allons rester ensemble et être heureux toute notre vie.